Pourquoi ? Il comprendrait pas. Il comprendrait pas pourquoi on le fait. Il comprendrait pas qu'on le fait les uns pour les autres. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Tu veux faire quoi cette nuit ? La même chose que chaque nuit, Minus. Tenter de conquérir le monde. Si c'était votre sœur, pourquoi ça vous ferait rire ? Je trouve ça pathétique et lamentable d'enfoncer encore un peu plus les faibles, ceux qui ne savent pas, ceux qui ne se rendent pas compte. Arrêtez de faire le buzz avec ce genre de truc. On n'est pas dans une arène. Mais c'est comme des chiens. Vous perturbez la quiétude des riverains en hurlant comme un possédé dans votre micro. Et je suis amené à vous demander de stopper le plus rapidement possible l'utilisation intempestive de votre microphone. Je vais te dire une chose. Les jeunes maintenant, un vrai ramassis de branleurs. Il faut qu'on mâche la bouffe pour qu'ils aient pas de mal à la chier. Tu vas être servi. T'as un gros caca, c'est pas bon. Pour te faire plaisir, hein. Je chiais la nuit, je chiais le jour, je chiais partout, je chiais toujours. Mais moi, vous étiez gentil, hein, gentil. Si t'es pas joli, tâche au moins d'être poli. Non, mais répète un peu pour voir. Parce que moi, je suis ici pour travailler gentiment, hein. Tu peux appeler ça travailler, c'est pour ton plaisir que tu fais ça. T'aimes ça la merde. Alors. Tu fais bien des chiris pour de la merde là. Tu t'en sers, hein, pas encore assez. Bah on va changer ça. Oh. Et c'est plutôt heureux que je le fasse, hein. Oh bah tu peux pas te laisser comme ça. Tu veux que je te laisse couper dans ta mère. Et tu fais ça pour ton plaisir. Tu serais vexé s'il n'avait pas beaucoup. Maintenant ils sont pas comme ça. Mais n'aie pas peur, t'en auras pour tes capsules. On va y arriver, Marie. Il n'est pas souvent donné à un homme d'avoir sa chance dans la vie. S'il ne la saisit pas par les burnes, le moment arrivera tôt ou tard où il se demandera comment il est passé dans le camp des médiocres. Ils avaient pensé à installer des cerisiers du Japon tout le long des allées. Tu vois, un peu dans le style cité balnéaire anglaise. C'est une riche idée. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait ? Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait ? Non. Si, ils l'ont fait. C'était pas mal parti. Mais ils se sont arrêtés là. Et c'est ça qui est dommage, hein ? Tu vois, c'était de la poudre aux yeux. Ils ont jeté de la poudre aux yeux, les gens ont dit oui, mais non.